Quatrième partie, chapitre 15, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Quatrième partie, chapitre 15. Exemple remarquable. Pour servir d'éclaircissement à cette matière. Mais pour rendre toute cette instruction plus sensible, je veux rapporter ici un fort bel endroit de la vie de Saint Bernard, tel que je l'ai lu dans un auteur également savant et judicieux. Il est, dit-il, ordinaire presque à tous ceux qui commencent à servir Dieu et qui n'ont point encore l'expérience des vicissitudes que porte la vie spirituelle, que quand le goût de la dévotion sensible leur manque et qu'ils perdent l'agréable lumière à la faveur de laquelle ils couraient dans les voies du Seigneur, ils perdent tout un coup haleine et tombent en une triste pusillanimité de cœur. Et voici la raison qu'en donnent ceux qui ont une grande expérience dans la conduite des âmes. L'homme ne peut longtemps subsister sans aucun plaisir qui lui vienne, soit de la terre, soit du ciel. Or, comme les âmes qui se sont élevées au-dessus d'elles-mêmes par l'essai des plaisirs supérieurs à la nature renoncent facilement aux biens visibles et sensibles, il arrive aussi que quand Dieu les prive de la joie salutaire de son esprit, dépourvu qu'elles sont des consolations temporelles, et n'étant point encore faites à attendre avec patience le retour du soleil de justice, il leur semble qu'elles ne sont ni dans le ciel ni sur la terre, et qu'elles demeureront ensevelies dans une nuit perpétuelle, si bien que, semblables à des enfants que l'on a sevrés, elles languissent, elles gémissent, elles deviennent ennuyeuses et insupportables à tout le monde, et principalement à elles-mêmes. C'est justement ce qui arriva dans un voyage de Saint Bernard à un de ces religieux nommé Geoffroy de Péronne, qui depuis peu de temps s'était consacré au service de Dieu, car comme il fut soudainement privé de toute consolation, et rempli de ténèbres spirituelles, il commença à rappeler l'idée de ses amis du monde, de ses parents et de ses biens. Mais ce souvenir fut suivi d'une tentation si violente qu'un de ses plus confidents s'en aperçut par ses manières extérieures et l'ayant adroitement abordé, lui dit en secret et avec beaucoup de douceur « Que veut dire ceci, Geoffroy ? D'où vient que je vous trouve contre votre ordinaire, si rêveur et si triste ?» Alors il lui répondit avec un profond soupir « Ah, mon frère, jamais de ma vie je n'aurai de joie !» Sur quoi son ami, touché de compassion et d'un vrai zèle de charité fraternelle, s'en alla promptement en donner avis à leur père commun, Saint Bernard. Aussitôt le saint entra dans une église prochaine, afin de prier Dieu pour ce pauvre affligé, qui, étant accablé de tristesse, se jeta sur une pierre et s'y endormit. Mais après un peu de temps, le saint abbé sortit de l'église, et son religieux s'éveilla, avec un visage si riant et un air si tranquille, que son ami, étonné d'un changement si grand et si prompt, ne put s'empêcher de lui reprocher doucement ce qu'il lui avait répondu un peu auparavant. Et sur cela, Geoffroy lui répliqua, « Si je vous ai dit que jamais de ma vie je n'aurai de joie, je vous assure maintenant que jamais de ma vie je n'aurai de tristesse. » Voilà quel fut le succès de cette tentation. Mais Philothée, faisons sur ceci quelques réflexions bien nécessaires. Premièrement, Dieu fait goûter ordinairement les délices du ciel à ceux qui entrent dans son service, pour les dégager des plaisirs du vice, et pour soutenir leur cœur dans les voies de son amour. Comme une mère se sert du miel pour accoutumer son petit enfant à la mamelle. Deuxièmement, cependant Dieu leur ôte quelquefois le lait et le miel après un certain temps, selon les sages dispositions de sa miséricorde, afin de les faire à une nourriture plus solide, c'est-à-dire afin de fortifier leur dévotion par l'épreuve des dégoûts et des tentations. Troisièmement, il s'élève quelquefois de grandes tentations parmi les sécheresses ou stérilités d'esprit, et il faut les bien distinguer, car l'on doit combattre constamment les tentations, puisqu'elles ne sont pas de Dieu. Mais il faut souffrir patiemment les sécheresses, puisque Dieu prétend qu'elles nous servent d'exercice. Quatrièmement, nous ne devons pas nous laisser abattre par les dégoûts intérieurs, ni dire comme le bon Geoffroy, « Jamais je n'aurai de joie », puisque durant la nuit, nous devons attendre la lumière. Et réciproquement, il ne faut pas dire durant les beaux jours de la vie spirituelle « je n'aurai jamais de tristesse », puisque le sage nous donne cet avis. En jouissant des biens que vous fournit le jour heureux où vous vous trouvez, précautionnez-vous contre le jour malheureux qui le suivra. L'on doit donc bien espérer dans les peines et craindre dans les prospérités. Et en l'un et en l'autre état, il se faut toujours humilier. Cinquièmement, c'est un souverain remède de découvrir son mal à quelque ami sage et spirituel qui nous puisse soulager. Enfin, pour conclure cet avertissement si nécessaire, j'observe qu'en ceci, comme en toute chose, notre bon Dieu et notre ennemi ont des prétentions bien contraires, car Dieu nous veut conduire, par ses peines, à une grande pureté de cœur, à un parfait désintéressement sur tout ce qui est de son service, et à un dépouillement universel de nous-mêmes. Mais le malin esprit tâche de nous faire perdre cœur, de nous attirer au plaisir sensuel, et de nous rendre ennuyeux à nous-mêmes et aux autres, afin de décrier et de déshonorer la sainte dévotion. Mais si vous observez les enseignements que je vous ai donnés, vous vous perfectionnerez beaucoup en l'exercice des afflictions intérieures, tant il faut que je vous dise encore ce petit mot avant que de finir. Elles proviennent quelquefois de l'indisposition du corps, que l'excès des veilles, des travaux et des jeûnes accable de lassitude, d'assoupissement, de pesanteur, et d'autres semblables infirmités, qui ne laissent pas d'incommoder fort l'esprit par la raison de son étroite liaison avec le corps. Or, il faut toujours en ces occasions se servir le plus que l'on peut de la pointe de l'esprit et de la force de la volonté pour faire beaucoup d'actes de vertu, car bien que toute l'âme semble être accablée d'assoupissement et de lassitude, néanmoins ce qu'elle peut encore faire ne laisse pas d'être fort agréable à Dieu. Et nous pouvons dire en ce temps-là, comme l'épouse sacrée, « Je dors, mais mon cœur veille ». Et s'il y a moins de goût, comme je l'ai dit, à travailler de la sorte, il y a plus de mérite et de vertu. Mais le remède salutaire, c'est de soulager le corps et de réparer ses forces par une honnête récréation. Ainsi saint François ordonnait à ses religieux de modérer si bien leurs travaux que la ferveur de l'esprit n'en fut pas accablée. Ce glorieux père fut une fois lui-même attaqué et agité d'une si profonde mélancolie qu'il ne pouvait s'empêcher de la faire paraître à l'extérieur. S'il voulait converser avec ses religieux, il ne le pouvait, et s'il s'en séparait, il s'en trouvait plus mal. L'abstinence et la macération de la chair l'accablaient, et l'oraison ne le soulageait nullement. Il fut 2 ans en un état si fâcheux qu'il lui semblait que Dieu l'avait abandonné. Mais après cette rude tempête qu'il soutint humblement, le Sauveur lui rendit en un moment une heureuse tranquillité. Apprenons de là que les plus grands serviteurs de Dieu sont sujets à ces épreuves, et que les autres ne doivent pas s'étonner si quelquefois il leur en vient de pareil. Fin du chapitre 15, 4e partie.